à 47. Tu t'es lascarisé. On ne pense plus à réviser. Non, on ne pense plus qu'à teaser. Quand la haine a pris l'amour, elle a séquestré au sous-sol. Ça donne une émission de marbou. Ou même les fous perdent la poussole. Les maquilleuses sont maquillées. Des blancs dans les coulisses. C'est le rendez-vous des touristes. Qui veulent un paquet touriste. À mixité dans le public. Mais les styles sont différents. D'aller lascarisé. Et d'aller ch'tard survivant. Quand ça lit, agacé mort. Un pont dans la tente. C'est un public mécontent. Qui juge que trop gay l'attente. C'est la guerre, la parade. C'est plus libre, mais pas ça pue le vomi dans la salle. Le résultat d'une rasade. D'ailleurs, c'est même plus une salle. C'est un volcan qui s'active. La fumée d'un sasquatch. Multiplié par 4000. Frérot, tu mènes l'enquête. Y'a que des ratailles en fait. Non, c'est pas un beau, oui. C'est la Starac K47. C'est la Starac K47. Vetteuse, on se barre à l'ancienne. C'était tous des belles ladettes. J'ai envoie, regarde, j'en paie. J'ai les pare-balles sous les costards. C'est une pureté. Les caméramans sont morts. Y'a que des caméras surveillantes. C'est la Starac à 47. De son bar à l'ancienne. C'est que des Jackie Mess. Que des brrrr. Pas de tapette. Ça tire et ça hurle. Ça tise et ça germe. Pa, pa, pa. Dans ton peu ça c'est la merde. Entrée dans le château, ouverture des barreaux, toute la sécurité se met à carreau. En cuisine, y'a seulement des grecs frites, entraînement de respiration à bonne fumée. 6 à 8, 6, 4 et cynique, monte avec nous sur le prime. On n'oublie pas le casting pour le 59, mais d'audience pour Popstar. Même si la plupart du public finit au chinois. On empiète quand on veut sur la route de Chavannes. Les sortants sont directement envoyés en cabane. Vote 1 pour Impact. Deux pour Simidji, pas le mauvais choix ou pour toi non, c'est fini. C'est la Starac à 47, V2 sur ce bar à l'ancienne. C'était tous des belles ladettes, au revoir regarde j'en paie. J'ai des pare-balles sous les costards, c'est une pureté. Les caméramans sont morts, y'a que des caméras surveillantes. C'est la Starac à 47, V2 sur ce bar à l'ancienne. C'est la Starac à 47, quand la haine a pris l'amour, elle a séquestré au sous-sol. Ça donne une émission de la boue. Oui, même les fous perdent la boussole. Les maquilleuses sont maquillées, de blanc dans les coulisses. C'est le rendez-vous des touristes, ils veulent un paquet de touristes. La mixité dans le public, mais les styles sont différents. D'aller lascar évident, et d'aller ch'tard survivant. Dit quand ça graille, là c'est mort. D'un plomb dans la tente, et c'est un public mécontent. Qui juge que trop longue est l'attente. C'est APAKT, ok, c'est midi. ADRT, la mise en bouche, cousin. 9, c'est même plus ça. Ok, on est là. On est là, on représente 5-9 ma gueule. La plume des Babtou, adrenaline.fr. Hey.